Bonjour à tous, après 15 jours d'attente, voici le cinquième épisode du podcast avec dedans 10 astuces pour vos emails. Bonne écoute! Bienvenue dans le podcast du blog moptimize.com. Je vais vous parler de life hacking, de développement personnel, de développement professionnel et de tech. Bonjour, bienvenue à tous et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Moptimize. Un grand merci à tous ceux qui sont abonnés au podcast sur Spreaker, sur iTunes, qui sont inscrits à la newsletter du blog moptimize.com. Un grand merci à ceux qui ont mis des commentaires sur les émissions précédentes ou sur le blog, qui vont bientôt mettre des étoiles sur iTunes, parce que pour l'instant, il n'y en a pas encore. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'email. C'est quelque chose que j'avais déjà abordé dans le podcast sur la semaine de 4 heures, où Tim Ferriss parle beaucoup d'emails de façon détaillée. Donc j'ai trouvé un article en anglais une fois de plus sur la gestion des emails et des compétences que chacun doit avoir pour être plus productif. Donc on est sur 10 conseils. Le premier conseil, c'est choisissez les emails qui vous rapportent le plus, qui sont le plus important, et donnez une priorité à vos emails. Regardez, ça fait un petit peu rappel à la règle du 80-20. 20% de ce que vous faites vous rapporte 80% à la fin du temps. La règle est la même sur les emails. Donc faites le tour un petit peu des emails et traitez ceux qui vous rapportent le plus et les autres, vous les mettez de côté ou vous les supprimez si vraiment ça a aucun intérêt, ça sert à rien de perdre du temps dessus. Le deuxième conseil, touchez chaque mail une seule fois. Donc là, on en revient un petit peu à ce que j'avais dit. Le principe, c'est ouvrez le mail, regardez si vous pouvez y répondre. Répondez-y tout de suite, ça sera fait, ça reste pas, ça traîne pas dans la boîte de réception. Et ensuite, on en arrive au troisième point qui est ne traitez pas votre boîte de réception comme une to-do list, comme une liste de choses à faire. Donc, ce qui veut dire que les emails qui vous prennent plus que 2 minutes à répondre, mettez ce qu'il y a à faire dans la to-do list. Comme je l'avais dit, éventuellement, répondez. À la personne qui vous l'a envoyé en disant je m'en occupe, je le traite, je te réponds dans quelques heures, dans 2 jours ou dans une semaine. Donc ensuite, le conseil pour la to-do list, il existe plusieurs logiciels de to-do list. Il y en a un qui s'appelle Todoist, qui est relativement classique, que j'utilise. Ensuite, dans nos téléphones, dans nos smartphones, il y a en général une application native qui permet de faire des to-do. La quatrième recommandation, c'est utiliser une seule app, un seul outil sur tous vos devices, tous vos instruments. Ce qui veut dire que si vous utilisez Gmail, utilisez Gmail sur votre ordinateur, utilisez Gmail sur votre smartphone. Ça permet que tout soit bien synchronisé. La même chose si vous utilisez Outlook. Évitez de mixer parce que quand c'est pas bien synchronisé de façon immédiate, le risque c'est que vous traitiez des emails dans un service, vous fermez votre ordinateur ou voilà, vous consultez votre smartphone et les emails sont encore dedans et vous avez encore besoin de les traiter, encore besoin de supprimer les emails qui sont pas intéressants. Donc vous perdez du temps à faire les choses en double. Le cinquième conseil, qui est le conseil le même que celui de Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures, c'est traiter vos emails simplement 2 fois par jour. Donc là, on en arrive à toujours la même chose. Un email, quand on envoie un email, on sait pertinemment qu'on aura une réponse On sait dans l'idéal qu'on aura une réponse. Après, il n'y a pas de notion de quand on aura une réponse. Si vraiment on a quelque chose d'urgent à demander au destinataire, ben on utilise un autre système, on utilise un système de messagerie instantanée si on a la possibilité, ou on utilise le téléphone. Donc clairement, l'email, on est sur quelque chose qui n'a pas besoin d'être immédiat. Donc consulter ses emails 2 fois par jour, c'est probablement, enfin c'est même largement suffisant. Une fois le matin, une fois dans l'après-midi. Et voilà, comme je l'ai déjà dit et je le répète, et j'insisterai souvent là-dessus, utilisez la technique Pomodoro et définissez-vous une demi-heure ou 3 quarts d'heure le matin et la même chose l'après-midi pour gérer vos emails en fonction aussi du volume. Mais on en revient, si vous avez un gros volume d'emails, on en revient au premier point qui était traiter les emails qui sont le plus important, qui vous rapportent le plus. Donc ça, ce sont les 5 premiers, donc juste je récapitule. Donc en premier, prioritisez les emails et prenez ceux qui vous rapportent le plus. En deuxième, touchez chaque email une seule fois. En troisième, votre boîte de réception n'est pas une to-do list, utilisez des outils qui sont faits pour. En quatrième, utilisez une seule app, un seul outil sur tous vos équipements. Et donc en cinquième, traitez vos emails 2 fois par jour. Pour la suite, même chose, on en est sur quelque chose qui a été dit dans la semaine de 4 heures, utiliser des réponses avec des templates. Donc on est ici, si vous répondez souvent la même chose à plusieurs personnes, ou vous répondez un peu toujours aux mêmes questions, faites-vous des templates que vous pouvez personnaliser. Mais ça vous économisera du temps et il y a des façons de faire avec des raccourcis pour pouvoir rappeler le texte ou des systèmes de signatures multiples avec du texte déjà pré-rempli. Le septième, réduisez la réception de newsletters. On a tendance à en recevoir beaucoup. Des équipes du sport, des nouvelles liées à notre domaine, à notre industrie, d'autres pour nos pour ce qui nous plaît à droite à gauche. On en reçoit beaucoup, ça nous prend beaucoup de temps, on les consulte pas forcément tout le temps, ou quand on est pressé, on n'ouvre même pas la newsletter, et quand on se décide à faire un peu de ménage dans sa boîte email, on supprime celle qu'on a une semaine, 2 semaines, qu'on n'a de toute façon pas lue. Donc il y a des outils qui permettent de gérer les newsletters, un des plus connus c'est unroll.me, de toute façon les liens seront dans les notes de l'émission. Donc unroll.me c'est un outil, alors il faudra rentrer vos identifiants d'email pour qu'ils puissent accéder à vos emails, mais il va vous permettre il va vous lister toutes les newsletters auxquelles vous êtes abonné, vous permettre de facilement vous désinscrire ou désabonner. Et il va également vous proposer de recevoir un email avec le lien vers toutes les newsletters que vous avez reçues, donc un email par jour. Ça vous permet, au lieu de recevoir 10, 15, 20 newsletters, de recevoir un mail avec le titre de la newsletter et vous cliquez dessus, vous pouvez aller la consulter si ça vous intéresse. Ça permet de réduire quand même assez largement la quantité de newsletters que vous recevez dans votre boîte email. Personnellement, je n'utilise pas unroll.me, j'utilise un autre service qui s'appelle closetoshop.com, qui est c'est un auditeur de NipLife qui m'avait contacté en me proposant ce service qu'il était en train de développer. Donc c'est un service qui est là, qui existe, qui fonctionne, qui n'a pas forcément eu le succès attendu, donc qui n'est pas forcément en train d'être en plein développement ou qui s'est maintenu s'il y a besoin de le maintenir, mais je pense que c'est pas un projet prioritaire des développeurs. N'empêche que ça permet, c'est bien utile et voilà, c'est l'équivalent de unroll.me et c'est un service français et quand il y a un besoin, des fois c'est plus facile pour avoir un petit peu de support. En numéro 8, alors c'est un petit peu vague, soyez mindful de ce qui se passe dans votre inbox. Il y a un grand paragraphe, c'est pas forcément très très clair, mais le but c'est ce que vous faites dans votre boîte de réception a un impact de ce que vous allez faire le reste de votre journée ou de votre semaine. Donc, soyez-en conscient et soyez conscient que qu'il faut simplement se donner du temps pour des choses qui peuvent vous bénéficier. Donc, on en est toujours un petit peu à la même règle qu'au début. Ignorez tout ce qui arrive dans vos emails qui n'est pas important, qui n'est pas intéressant. Concentrez-vous sur les choses les plus importantes, sur les choses les plus intéressantes, sur les choses qui peuvent vous faire derrière avancer, que ce soit dans vos compétences personnelles ou que ce soit dans votre travail. Le 9e point, envoyer des emails courts. Donc là, on en est sur quelque chose de classique. Donc là, il cite un système un peu militaire où le but, c'est de commencer le message avec votre demande au début, plutôt que de le noyer au milieu d'un grand texte ou d'essayer d'expliquer toute l'origine de votre demande jusqu'à votre demande. Une des façons simples et efficaces d'écrire un email, c'est de dire clairement ce que vous demandez. Vous pouvez ensuite, dans un deuxième temps, expliquer le pourquoi vous le demandez. Mais au moins, la question et l'élément principal arrive tout au début. Il est clair, il est facile à comprendre pour votre destinataire. Et le dernier point, trouver des outils de remplacement pour des choses qui n'ont pas forcément grand-chose à faire dans les emails. Donc l'article propose, si vous faites des propositions clients par email, d'utiliser un système qui s'appelle BidSketch, qui va vous permettre de suivre toutes les propositions clients que vous envoyez et qui va suivre également quand les clients les ont reçus. Même chose, utiliser un CRM qui est un logiciel de gestion de la relation client, utiliser des logiciels dédiés à ça, des CRM, plutôt que d'utiliser simplement vos emails. Donc je récapitule les 5 derniers points. Utiliser des templates, des modèles de réponse. Réduisez vos newsletters en utilisant enroll.me. En 8e, soyez mindful, ayez conscience de ce qui se passe dans votre boîte de réception. En 9, envoyez des emails courts et avec l'objet de votre email ou le sujet écrit en premier et de façon claire, et ensuite vous expliquez pourquoi vous demandez ça. Et en dernier, trouver des outils de remplacement pour des choses qui seront mieux faites que si c'était simplement géré par email et qui éviteront de vous inonder votre boîte email. Donc voici pour 10 points pour vous aider à améliorer la façon dont vous gérez les emails. Vous retrouverez le lien vers l'article dans les notes de l'émission, les liens vers les produits, les services qui ont été mentionnés également dans les notes de l'émission. Et n'hésitez pas à me donner vos tips, vos conseils sur la façon dont vous gérez les emails. Est-ce que vous essayez d'avoir une boîte de réception avec zéro mail? Est-ce que vous en laissez quand même un petit peu ou pas? Donc ça, je suis curieux de le savoir. Donc allez commenter l'émission sur moptimis.com ou sur Twitter @moptimis. Et n'oubliez pas de partager l'émission sur Spreaker, sur Facebook, sur Twitter, un petit peu partout, à mettre des commentaires, à mettre des notes pour que ça soit visible. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.